Je reviendrai sur les structures tantôt pour mieux vous faire saisir. Si ces deux personnes qui ont habilement manœuvré depuis des années et ont gagné leur pari n'avaient pas été réélues, peut-être aurions-nous pu remettre en question ce processus déjà bien engagé. Et ainsi éviter le départ de 45% des coopératives d'habitation au Québec de leur regroupement national que constitue la Confédération québécoise des coopératives d'habitation. Ce ne sera pas le cas dans une année prévisible. Ces deux acteurs clés de ce schisme ont été réélus le 25 janvier dernier. Est-ce que on peut savoir, quand on parle d'un litige qui divise les coops d'habitation depuis quelques années, on parle de quoi comme litige? Ben, j'aimerais dire deux mots sur les structures pour permettre aux gens de comprendre. Ouais. Il existe partout au Québec des coops d'habitation. Dans certaines régions, celles-ci se sont données des fédérations. La plus importante est celle du Montréal métropolitain. La deuxième plus importante est la nôtre ici à Québec, Chaudière-Appalaches. Certaines autres régions, comme l'Estrie, la Mauricie, le centre du Québec, le Lac-Saint-Jean, la Montérégie, ont leur fédération. Les autres régions n'en ont pas, au point où en Outaouais, la Confédération a un bureau pour offrir directement certains services aux coops de cette région. Vous aurez compris qu'à l'échelle du Québec, existe une confédération qui regroupe les fédérations régionales et offre certains services directement aux coops dans les régions où n'existe pas de fédération. OK. Je n'insiste pas plus sur les structures, c'était essentiellement pour comprendre ce qui va suivre. Donc, tu vas nous parler du litige, c'est ça? Ouais, le... Bon, ben, un petit peu la chronologie des événements. Pour comment le litige est arrivé? OK. Bon, je reviendrai tout de suite après sur le fond de la question. Prenez d'abord note de cette petite chronologie qui vous aidera à comprendre. En mai 2013, le point de vue qui sème la zizanie a remporté une majorité de voix lors de l'Assemblée générale annuelle de la Confédération. À la suite de cette décision, la FECHIM, qui est la Fédération de Montréal métropolitain, qui souhaitait qu'aucun fonds ne soit investi dans ce projet contre lequel ils sont. Eux ont tenu une assemblée générale extraordinaire en novembre 2013, où il a été décidé que, s'ils n'obtenaient pas satisfaction à leurs revendications, ils ne renouvelleraient pas leur adhésion à la Confédération, en automne 2014. Autrement dit, à un an de renouveler leur adhésion à la Confédération, ils ont dit que si dans un an, il n'y a pas de quoi qui se passe, nous, on ne renouvelle pas. Okay. Ses principales revendications sont un réaménagement de la gouvernance de la Confédération, parce qu'actuellement, celle-ci, je parle de la FECHIM, ont un poids moins important que son poids démographique. Elle représente plus de 45% des coops au Québec et ils ont entre 25 et 30% des votes en Assemblée générale à la Confédération. L'autre revendication qu'ils ont, c'est une décision en Assemblée générale exigeant que l'ouverture aux coops de propriétaires et investisseurs soit stoppée pour plutôt investir ses énergies à favoriser le développement des coops offrant du logement social. Fait que vous voyez là qu'il y a une question... coop de propriétaires versus coop avec du logement social. Donc, alors, là, on arrive au fond de la question. Voilà, c'est ça, je le voilà, sens, voilà, voilà. Alors, depuis quelques années, des membres de coop croient que c'est pas seulement au gouvernement de favoriser le développement de logements décents pour tous ses citoyens. Ils font donc la promotion de la création de coopératives d'habitation favorisant l'accès à la propriété. Ce type de coopérative, pour y adhérer, il faut acheter son logement. Il ne s'agit pas de condo, parce que la coopérative demeure propriétaire du terrain. Ce qui lui permet de vendre ses logements moins chers que les condos, parce que la valeur du terrain en est exclue. De plus, ces promoteurs de l'accès à la propriété prévoient créer une fondation qui achèterait des terrains dans le but de favoriser le développement de ce type de coopérative d'habitation. Voyez-vous les fonds publics que sont les économies d'impôts par les investisseurs dans une fondation qui pourraient entrer en concurrence avec les mêmes fonds publics investis dans le développement de logements sociaux? Ce qui rend les opposants furieux, c'est que les fonds infiniment consentis au développement de logements sociaux sont le fruit de longues luttes citoyennes et que ces fonds pourraient être amputés au profit de ces pauvres investisseurs qui souhaitent accéder à la propriété. Pour les opposants au développement de ce type de coopérative d'investisseurs où la propriété collective n'est plus de mise, ceci pervertit la nature même des coopératives d'habitation qui, par nature, collectivisent la propriété. Oui. Ici, à Québec, comment ça se passe? Bon, ben là, si on revient à l'Assemblée générale de la FECHAC, durant l'année qui a précédé l'Assemblée générale annuelle du 25 janvier de notre fédération ici à Québec, nous avons eu droit à deux assemblées d'information où seul le point de vue des promoteurs de cette, entre guillemets, ouverture à la diversité des coopératives a été présenté comme une vertu incontournable. Et aucune place n'a été faite au point de vue critique de ceux qui s'y opposent. De plus, notez qu'il s'agissait bien d'assemblées d'information et non pas d'assemblées délibérantes où le débat aurait pu avoir lieu. Ce n'est pas d'hier que la FECHAC répugne à faire la promotion du développement du logement social. En conséquence, de nombreuses coops de la région, parmi les plus militantes, ne participent même plus aux activités de leur fédération depuis de nombreuses années. Par exemple, lors de l'Assemblée générale du 25 janvier dernier, seulement 20 personnes ont participé à l'élection des administrateurs sur 199 membres. OK. Donc, il y a un petit problème. Ben, en tout cas, de mobilisation. Puis, je fais une parenthèse pour dire, on a créé un comité de mobilisation politique à la FECHAC, mais il s'est jamais réuni. Mais la directrice générale a pu dire à l'Assemblée générale, oui, on a un comité de mobilisation politique, mais il est virtuel, il ne s'est jamais réuni. OK. Alors, pour vous exposer jusqu'où la FECHAC est loin de faire la promotion des logements sociaux, deux exemples. D'abord, l'an passé, une action de mobilisation nationale pour le développement des logements sociaux a été organisée, principalement par le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU. Cette manifestation avait lieu ici à Québec. Il y avait une bannière de la FECHIM. Donc, les gens de Montréal, dans une manifestation nationale à Québec, sont descendus et aucune visibilité de la FECHAC. Cette action a eu lieu à 200 mètres du siège social de la FECHAC. Mais la FECHAC n'était pas là. Des petits problèmes de coordination, là, non? De désir de participation à la mobilisation d'extrémistes, selon leur vocabulaire. Quand tu parles du FRAPRU à la FECHAC, ce sont des extrémistes. En Assemblée générale, en posant une question à la directrice générale, elle venait de faire son rapport annuel, j'ai affirmé que l'expression même de logement social n'apparaissait sans doute pas dans ce rapport. Elle m'a dit que j'avais raison. Ceci, même si la très grande majorité des 199 membres de la Fédération en question offre du logement social. OK. Donc, au niveau des communications, ça ne semble pas si évident. Regardez bien. Moi, face au projet que j'avais ici de présenter ce schisme, je me suis dit peut-être que je pourrais avoir quelqu'un qui va présenter le point de vue de ces promoteurs de coop d'habitation avec accès à propriété. Bon. Dans le but de vous présenter le point de vue de ceux qui favorisent l'ouverture à la diversité des types de coopératives, et qui a remporté une majorité de votes à l'AGA de la Confédération, rappelez-vous. J'ai fait une demande d'entrevue à la FECHAC. Après un conseil d'administration, leur réponse, sous prétexte qu'il s'agit d'une question d'envergure nationale, on m'a référé à la Confédération qui a son siège social ici à Québec, rue Raoul-Jobin. Quand j'y ai placé un appel, on m'a référé à une personne responsable des communications à Montréal. Parce que le responsable des communications de la Confédération à Québec a démissionné. J'ajoute qu'un responsable des communications qui aime son travail ne démissionne pas. Ah ben, ça dépend de la charge de travail en général. Ben, quand on est contraint de mâcher ses mots puis de faire bien attention à ce qu'on dit puis de sortir juste les lignes prévues, ça peut être tannant comme responsable des communications. Okay. Bon. Il faut que j'ajoute qu'au CA de la FECHAC, où j'ai placé ma demande, viennent de se voir renouveler leur mandat deux administrateurs pour 2 ans, le président et le vice-président sortant. Notez que ces deux messieurs sont également administrateurs à la Confédération. De plus, ces deux messieurs, durant l'AGA de la FECHAC, le 25 janvier dernier, ont très convenablement défendu et présenté le point de vue des promoteurs de cette ouverture à la diversité des coopératives qui prévoit faire place à la réalisation de coopératives d'habitation où on est propriétaire de son logement. Ceux-ci sont les principaux agents promoteurs de cette idée, mais n'ont pas voulu participer à une courte entrevue pour présenter leur point de vue. Je les soupçonne de ne pas vouloir que le débat reparte dans la mesure où, pour eux, ils ont gagné et le débat est terminé. Je les invite, s'ils sont à l'écoute, de placer leur point de vue sur le blog de l'émission où on pourrait, sans doute, s'enrichir d'un point de vue qui a peut-être été un petit peu caricaturé de ma part. OK. Donc, on sent quand même que ça chauffe, hein, à l'affichage. Ben, c'est la Confédération qui perd 45% de ses membres, ce qui oui, est pas oui, rien. Oui, oui, oui. Donc, on va... j'imagine que vous allez nous revenir avec ça bientôt. Peut-être. Hein? Puis, il y a des conséquences à ce schisme-là. C'est ça que je veux vous donner. Alors, les conséquences de ce schisme sont très importantes. Okay. Par exemple, les membres de la coopérative d'habitation ont un droit de tout... Tous les membres de toutes les coopératives d'habitation au Québec ont droit à une carte multiservice, qui est en fait un regroupement d'achats qui nous permet d'obtenir des rabais chez différents fournisseurs. Imaginez, avec le départ de 45% des membres des coop, ce regroupement perd de sa valeur pour les commerçants qui ont accepté d'offrir ces rabais. Aussi, les membres de la FECHIM à Montréal, qui ne menacent même plus de démissionner dans la mesure où les conditions sont réunies pour qu'ils ne renouvellent pas leur adhésion à Confédération, les membres de la FECHIM, qui, elle, quittera la Confédération en novembre prochain, je dis qu'elle quittera parce que, bon, les acteurs en place n'ont pas changé, que leur intransigeance ne changera pas dans un avenir prévisible. La Féchine, d'un côté, voit les promoteurs de ce type de coop de propriétaires comme des libéralistes intégristes, tandis que les promoteurs de ce type de coop d'investisseurs voient la FECHIM comme une fédération de doctrinaires sans ouverture ni compromis. Notez en terminant que la Confédération prévoit offrir aux coopératives actuellement membres de la FECHIM à Montréal de devenir membres directement de la Confédération, comme c'est le cas dans les régions qui n'ont pas de fédération. Aussi, sachez qu'il existe un périodique édité par la Confédération où les membres de la FECHIM qui faisaient partie de la rédaction ont quitté le magazine. J'ai entendu au micro lors de l'AGA de la FECHAC quelqu'un qui a dit que le magazine en question deviendrait la Pravda des promoteurs des coopératives de propriétaires. C'était peut-être un petit peu forcé la note, mais bon, c'était bon. Mm-hmm. Sur ce, chers auditrices et auditeurs, à la prochaine chronique. D'accord. Bye. Et si on veut vous suivre, est-ce que vous avez un blog ou vous allez revenir nous voir? J'ai invité les gens à aller sur le blog de l'émission. Oui. Moi, j'ai pas de blog personnel. Fait qu'on invite les auditeurs qui ont envie de se prononcer sur cette question-là à pouvoir. On a aussi une page Facebook, d'ailleurs, Grain de sable à 5KRL. Donc, merci beaucoup, Renaud. À la prochaine. On vous revient après ces quelques publicités de nos commanditaires avec la capsule Science et démocratie. Quand des tresses et des arrois et des chirures te larguent en la brume et la peur. Lorsque tu es seul, enveloppé de chagrin, dans un monde décollé de la rétine, alors ta souffrance à la mienne s'amarre et pareil me traverse les déserts de blancheur aiguë. Croisé de nous deux, je ne mourrai plus, je ne mourrai plus avec toi. Tu es mon amour dans l'empan de ma vie. C'est un autre sang dur parmi les nôtres. Je tiens bon le temps, je tiens bon l'espérance. Et dans cet espace qui nous désassemble, je brillerai plus noir que ta nuit noire à la croisée de nous deux. 89.1 Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Papa, ah, ah, ah, ah, on s'est démaquillé, on a mis du phare sous nos joues. On s'est éteint, déraciné, on a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié, on a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et baïonné, on a mis la mort à nos trous. Soyez au fait des sorties cinéma et DVD à Québec. Écoutez chaque jeudi matin à l'émission Les Matins éphémères les critiques et suggestions des nouveautés cinématographiques avec Pierre Blais. Cette chronique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. En février, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 2 février, le programme Kino Québec et l'Opéra National de Paris, Aïda. Le 19 février, les aventuriers voyageurs, le tour du monde. Et le 23 février, l'Opéra national de Paris, Ippolitani. Et ne manquez pas, à partir du 28 février, la 3e édition du Festival de cinéma pour enfants de Québec au CLAP. Abonnez-vous à notre page Facebook pour surveiller la programmation. Pour plus d'informations et les horaires complets, rendez-vous au clap.ca. Du 16 au 20 février, la Bourse Rideau est de retour à Québec pour sa 27e édition. Pour tout savoir sur le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène, CKRL présente Bourse Rideau, animée par Tania Beaumont et diffusée en direct du Centre des congrès de Québec le mardi 18 février de 15h30 à 17h30. Plus de 1000 participants sont attendus à Québec pour cet événement qui met à l'honneur la danse, la musique, le théâtre, la chanson et le cirque. Plusieurs spectacles sont ouverts au public. Pour tous les détails, consultez rideau-inc.qc.ca. Une collaboration de Rideau, les entrées en scène Loto-Québec et CKRL 89.1. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, art électronique, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. De retour à Grains de sable. Donc, voici notre deuxième chronique à Philippe Camiré et moi-même, Marie-Christine Aubin, sur la démocratie et la science. Donc, le sujet du gouvernement, la relation entre le gouvernement conservateur et le milieu scientifique est un thème récurrent depuis les deux derniers mandats du gouvernement conservateur, mais peu d'entre nous savent vraiment ce qui se passe dans les bureaux des scientifiques fédéraux. Pourtant, il y a des chiffres et des mots assez chargés de sens qui circulent sur le sujet. Le dernier sondage effectué par l'Institut professionnel de la fonction publique s'appelle « Bâillonner la science au service de l'intérêt public ». C'est un titre qui ne laisse pas indifférent. Par exemple, on apprend que 9 scientifiques fédéraux sur 10 estiment qu'ils ne peuvent pas parler librement aux médias de leur travail. On retrouve trop souvent, donc, à ce sujet, des mots forts comme « censure »,« bâillon » ou « musellement ». Est-ce que c'est possible que ce ne soit que la pointe de l'iceberg? Est-ce que nous serions restés trop longtemps ignorants de cette réalité, même si elle est déterminante pour notre démocratie? Alors, c'est sur cette question que Philippe et moi avons commencé à creuser pour pouvoir trouver des pépites d'or. Voilà. Donc, bonjour Philippe. Bonjour. je veux juste une petite parenthèse. Cette semaine, le sujet est revenu dans l'actualité. Absolument. J'ai vu que François Cardinal, le chroniqueur de la presse, a publié deux éditoriaux sur le sujet. Puis il y a Pauline Gravel du Devoir qui a publié un article nommé « La science mise à mal par le gouvernement Harper ». Pourquoi cette resurgence cette semaine du sujet? Ben, en fait, il y a Chris Turner, un journaliste albertain, qui en a parlé dans un livre qui est intitulé originalement « The War on Science ». Et ce livre-là est sorti en librairie cette semaine en version française sous le titre « Science, on coupe ». Chercheur muselé et aveuglement volontaire, bienvenue au Canada de Stephen Harper. Nous avons également eu le budget fédéral cette semaine, puis on attend impatiemment la réaction des milieux scientifiques qui n'ont pas vraiment eu le temps de commenter pour l'instant, mais qui sait, on va peut-être avoir une petite partie de notre prochaine chronique sur ce sujet-là, voir ce que les scientifiques en pensent. Pourrait être intéressant. Probablement, oui. Puis on a fait un vox pop cette semaine pour interroger les membres du public, voir ce qu'ils en pensaient de cette relation-là supposée entre la science et la démocratie, savoir comment le public se positionne en général. Puis voici un petit vox pop là, pour vous éclairer sur la question. Je voudrais savoir si vous aimez la science. Vraiment, non. Je suis pas une scientifique. On connaît ça, mais je ne suis pas intéressée, vraiment, okay. À part que la nature. Quel lien faites-vous entre la science et la démocratie? Aucune. Moi, je ne sais pas. Moi non plus. Aucun lien? Non. OK. C'est à vous de me le dire. Je vous remercie, madame. Okay, bonne journée. Trouves-tu que c'est plus important d'écouter l'avis des politiciens ou d'écouter l'avis des chercheurs pour prendre des décisions politiques? Pour prendre des décisions politiques? C'est les chercheurs. Pourquoi vous trouvez que c'est important d'avoir de la recherche scientifique? Que les dirigeants soient capables de prendre des bonnes décisions, si, pour que ça soit basé sur des vraies informations, pour pas que ça soit basé sur des opinions ou que ça soit basé sur des faits. Des intérêts économiques aussi. Oui, aussi, que ça soit basé sur... moi, je pense que... Ouais, genre, mon beau-frère, c'est quoi l'histoire là, des ours polaires, là? Mon beau-frère, il est chasseur, puis il envoie des ours polaires, fait qu'il n'y en a pas de réchauffement climatique, tu sais, ouais. Des histoires de même. Tu penses que c'est utile en démocratie, oui, la recherche scientifique? Oui, plus totalement. Que les opinions? Peut-être pas plus. OK. Non, sincèrement, je crois pas que ce soit plus important, mais quand même relativement... Quand même une bonne importance. Oui. OK. Trouves-tu que c'est plus important, la recherche scientifique ou les opinions des politiciens? La recherche scientifique, I guess. Parce que la politique, tu sais jamais ce qu'il dit, si c'est vrai ou non, anyway. Là. Souvent, en bout de ligne, c'est juste pour se faire réélire, en fait. C'est pas ce qu'ils vont mettre en action, vraiment. Je voudrais savoir si tu aimes la science. Oui, très beaucoup. Quel lien tu fais entre la science et la démocratie? Ben, c'est un lien très important parce que une société qui est très éduquée en science va tout le temps avoir un raisonnement différent. Donc, ils vont faire des meilleures décisions. Ils vont prendre des meilleures décisions dans leur choix, en politique ou en quoi que ce soit, dans la vie de tous les jours même. Moi, ce que je trouve intéressant quand on écoute ces réponses-là, c'est que le lien entre la science et la démocratie n'est pas vraiment le même pour tout le monde, comme vous l'avez entendu. Pour certains, il n'y en a pas du tout. Pour d'autres, les décisions politiques doivent être absolument basées sur des faits scientifiques, alors que pour certains, il y a une zone grise. Les scientifiques sont peut-être pas les plus sages pour prendre des bonnes décisions. On a donc ici une question litigieuse. Quel est le rôle que joue la science au sein du pouvoir politique? Avez-vous des idées, vous, là-dessus? Ben, je sais pas, moi, mais c'est quoi, Michael, toi, ta réaction par rapport au Vox Pop? Ben, honnêtement, je suis agréablement surpris. Je m'attendais à quelque chose de un peu plus creux, honnêtement. Oui, on a quand même eu des belles réponses, honnêtement. Ouais, oui, j'ai beaucoup aimé les réponses. Moi, je suis sûr que j'ai aimé la réponse, c'est selon moi, là, mais la question des intérêts, que ce soit intérêts économiques ou des oui-dire ou ainsi de suite, puis de pouvoir prendre des décisions, parce que je veux pas que avec les problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui, on se dit qu'on a intérêt à devenir un peu plus rationnel. On peut pas laisser juste des intérêts, n'importe quel investisseur qui a le goût de faire du profit, le laisser utiliser n'importe quelle ressource. À mon avis, c'est quasiment ça qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les compagnies, que ce soit pétrolière, minière ou autre, on n'a pas l'impression qu'il y a une limite rationnelle. On n'a pas l'impression qu'on... ou forestière ou autre. C'est pas clair si on évalue la quantité de ressources qu'on a, à quelle vitesse ils se renouvellent, comment gérer ça comme du monde. On dirait que c'est un peu un free-for-all. Ouais. Puis quand il y a évaluation, c'est rarement selon des standards. Là. C'est plus une évaluation qui va varier dépendant du domaine économique puis des intérêts ouais. qu'on peut Mais ça nous surprend quand même de constater ça parce qu'on a tendance à se dire que la science, elle a un rôle à jouer là-dedans. Mm. Puis je pense qu'on est rendu habitué maintenant d'avoir des avis scientifiques sur à peu près tout. Mm-hmm. J'aimais l'exemple, on pourrait en nommer tout plein, là, mais d'un groupe de recherche sur les lacs et les rivières qui a été coupé par Harper. Oui, on va en parler. Un petit peu plus loin, on va en parler. Oui. On peut peut-être embarquer tout de suite sur notre, dans le fond, là, sur Katie Gibbs. En fait, cette semaine, avec Philippe, on a interrogé une biologiste qui est porte-parole d'un mouvement qui s'appelle Death of Evidence. Ce mouvement est formé uniquement de scientifiques qui se sont mobilisés pour défendre la science face à ce qu'ils appellent la mort de l'évidence. Et cette marche-là a eu lieu en 2012. C'était une marche mortuaire avec un corbillard et des symboles de mort, tout habillé en noir. Donc, c'est rare que les scientifiques se mobilisent pour des raisons politiques. On va pouvoir aller voir ce que Katie Gibbs a à nous raconter sur son mouvement, puis on va pouvoir revenir sur justement la question de l'évidence et sur la fermeture des lacs expérimentaux. Est-ce qu'on est prêt pour écouter l'enregistrement? Donc, juste avant de le démarrer, on vous précise, chers auditeurs, qu'il s'agit de notre tout premier enregistrement traduit à oui. Philippe et moi. Donc, on fait appel à votre indulgence. Pouvez-vous nous parler de votre histoire avec le mouvement Death of Evidence et ce qui vous a poussé à mettre vos convictions de l'avant? À l'époque, je finissais mon doctorat à l'Université d'Ottawa. Il y avait eu plusieurs coupures dans des institutions scientifiques vraiment importantes, ainsi que dans des procédés gouvernementaux comme le recensement. Ces coupures ont été très frustrantes pour les étudiants doctorats et les professeurs. Cependant, en mai 2012, le gouvernement a présenté le projet de loi Omnibus. En gros, c'est une loi qui est censée être un budget, mais en fait, c'est une loi qui couvre énormément de domaines, qui a modifié des centaines de législations. Le projet de loi en lui-même faisait environ 500 pages. Ça avait un lien avec plusieurs sujets directement liés à la science. Par exemple, il y a eu des changements à la loi canadienne sur l'évaluation environnementale et des changements à la loi canadienne sur les pêches. Aussi, juste avant ça, le gouvernement avait réduit les fonds investis dans les régions des lacs expérimentaux, qui est l'une des installations de recherche les plus importantes au Canada. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour la communauté scientifique. À ce moment-là, une partie d'entre nous à l'université se sommes rencontrés et avons décidé que nous voulions faire quelque chose pour protester. Nous avons eu l'idée d'organiser une sorte de procession funéraire moqueuse pour commémorer la mort de l'évidence scientifique au Canada. Nous avons fait cela en juillet 2012 et la réponse a été incroyable, bien au-delà de ce à quoi on s'attendait. Peu de temps après, j'ai terminé mon doctorat et il semblait y avoir un besoin et un intérêt pour créer une organisation qui continuerait d'aller plus loin sur ces enjeux après cet événement. À partir de ce moment, nous avons créé Evidence for Democracy. after that I had finished my PhD, and there really seemed a lot of sort of need and interest to actually have an organization continuing to work on these issues. Quels ont été vos principaux objectifs? Sur quoi vous vous êtes concentré depuis le début? Eh bien, globalement, nous cherchons à promouvoir des décisions politiques basées sur l'évidence scientifique. Nous voulons nous assurer que la science est raisonnablement financée au Canada pour qu'il y ait de la recherche, mais aussi que des politiques d'ouverture soient mises en place, c'est-à-dire que les scientifiques puissent communiquer les résultats de leur recherche au public. C'est l'un des problèmes majeurs auxquels nous faisons face ces dernières années. De nouvelles restrictions ont été mises en place pour contrôler la communication des scientifiques avec le public. Les scientifiques du gouvernement ne sont actuellement pas capables de parler de leurs recherches et, bien sûr, nous pensons que c'est très mauvais pour la démocratie parce qu'il est nécessaire d'avoir un public informé. Mais aussi, la communication est essentielle, tout simplement pour faire de la recherche. Plusieurs scientifiques du gouvernement disent qu'ils ne peuvent plus travailler avec des partenaires hors de leur milieu académique ou avec des scientifiques qui font de la recherche dans d'autres pays. Cela, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler de leur recherche ou même d'assister à des conférences. Ces conditions rendent la recherche scientifique particulièrement difficile. Et avez-vous planifié des activités spécifiques pour 2014? Oui, eh bien, nous avons récemment conclu une initiative pour encourager l'engagement public dans les périodes de consultation, élaborer la stratégie scientifique fédérale finale. Ceci a été super, car il y a eu environ 1600 participants qui ont soumis des commentaires, ce qui, j'en suis certaine, est plus que ce qu'il y a eu la dernière fois. Alors, les résultats sont excellents à nos yeux. Nous avons aussi actuellement une campagne intitulée « Sauvons nos bibliothèques scientifiques ». C'est une autre réalité très préoccupante que nous avons observée, les coupures dans un très grand nombre de bibliothèques scientifiques à travers le pays. Nous avons mis en ligne une pétition sur le site evidencefordemocracy.ca et c'est tout pour les bibliothèques scientifiques. Donc, on remercie particulièrement Jennifer Boulian pour avoir fait la voix en français dans cette entrevue. C'était pas si mal pour une première traduction, n'est-ce pas, Philippe? Oui, ça a bien été tout quand de même. Quand même. Hein? Bon. Alors, on va se lancer des fleurs. Bon, alors maintenant, revenons un petit peu sur ce que Katie Gibbs, qui est la porte-parole du mouvement Death of Evidence, nous a dit. Elle parle de la mort de l'évidence. Mais de l'évidence de quoi? Ben ici, on parle bien entendu de l'évidence qui est donnée par les faits scientifiquement prouvés qui servent à prendre des décisions politiques. Je vous donne ça comme information d'ailleurs. Au Canada, en 1918, le gouvernement conservateur de Robert Borden avait mis en place une politique visant à prendre des décisions basées sur l'évidence qui s'appelait le Civil Service Act. On remarque le contraste avec les politiques actuelles du gouvernement conservateur. On remarque que le gouvernement conservateur était peut-être même plus ouvert qu'en 1918 qu'aujourd'hui, ce qui est un peu particulier. Mais M. Borden, en fait, voulait instaurer cette loi pour éviter la partisanerie politique. Est-ce qu'il y avait plus de partisanerie en 1918 qu'aujourd'hui? Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Puis on peut en douter quand on regarde la politique d'aujourd'hui, mais ça, c'est un autre débat. Oui, si on se lance là-dedans, je pense qu'on finira pas dans 15 minutes. C'est clairement pas. Katie Gibbs nous a également parlé de la fermeture des lacs expérimentaux, en fait, la région des lacs expérimentaux, qui a été fondée en 1918. Est mise en place au nord de l'Ontario par 1968. 1968, oui, pardon. Oui. Pardon, c'est mon erreur. Pas de problème. Par la Fisheries Research Board. C'est grâce à ces lacs expérimentaux qu'en 1973, le biologiste David Schindler démontre que l'industrie agricole est responsable de la prolifération des algues vertes dans les lacs, ce qui donne lieu à une loi interdisant les phosphates dans les produits chimiques utilisés en agriculture. Mais ce n'est pas tout, hein. Je crois que David Schindler revient à la charge. Oui, tout à fait. Poursuit ses recherches, en fait, pendant 9 ans dans la région des lacs expérimentaux, puis il permet ensuite de démontrer le rapport entre les émissions produites par les centrales de charbon et les pluies acides, ce qui mène au protocole de Montréal, qui est ratifié en 1987, qui avait pour but de réduire et éliminer complètement les substances qui réduisent la couche d'ozone. Or, comme on l'a dit dans notre précédente chronique, cette région des lacs expérimentaux qui a mené à tant de nouvelles législations positives pour l'environnement a été fermée en 2012 par le gouvernement Harper. On comprend maintenant mieux pourquoi Katie Gibbs dit que c'est une région très importante pour la recherche mondiale, en fait, puis que c'est vraiment tragique là, qu'on ait fermé cette région là, pour la recherche. Mm-hmm. C'est un peu un monument, finalement, qui a été fermé. Oui, c'est gigantesque. En fait, à l'échelle mondiale, c'est le terrain expérimental le plus efficace pour, justement, évaluer l'impact des produits chimiques sur les lacs, etc., etc. Mm. Oui, c'est un lieu internationalement reconnu, donc qui est fermé. Fait que c'est pas seulement une perte pour les scientifiques canadiens, c'est pour la communauté scientifique internationale. Katie Gibbs aussi a parlé des bibliothèques scientifiques canadiennes. Donc, juste un petit rappel pour vous dire que depuis le printemps dernier, au moins 7 des 11 bibliothèques de pêche et océan Canada ont été fermées. C'est pour ça que Debt of Evidence fait signer une pétition en ligne pour arrêter la fermeture des bibliothèques scientifiques à l'adresse evidencefordemocracy.ca en français. Voilà. Oui, Miguel. Si je comprends bien, dans le fond, des chercheurs payés par le gouvernement, mm-hmm. leur recherche demeure secrète. Il y a juste le gouvernement qui le voit et qui décide si c'est publié, divulgué. Oui, exactement. C'est ça? Le gouvernement se garde le droit de décider si le public a accès à ces recherches-là, parce que, advenant que, supposons, on prend l'exemple des lacs expérimentaux, mm-hmm. on peut comprendre que ça va rarement dans le même sens que les intérêts économiques, ce qu'ils trouvent là-bas, mm-hmm. sur ces terrains de recherche-là. Donc, le gouvernement se garde un droit de veto, puis décide finalement que si ce qu'on trouve dans ces lieux de recherche-là va vers l'encontre de ce qu'ils veulent promouvoir à l'échelle économique. Ben, on suppose que c'est ça. C'est pas dit comme ça, évidemment. Non, c'est pas aussi clair, mais en même temps... C'est des soupçons, disons. Voilà. Donc, mais c'est assez outrageant. Ça doit être vraiment choquant de faire une recherche qui sert pratiquement à rien. Si elle n'est pas publiée. Il y a des scientifiques qui travaillent. Ni les députés. Ouais. Dans le fond, même les députés n'ont pas accès. Non, encore moins le public. Non. À quoi ça sert? C'est justement très déprimant pour quelqu'un qui consacre sa vie à essayer de démontrer quelque chose, comme par exemple, il y a beaucoup d'exemples. Il y a le biologiste David Schindler là, qui a passé sa vie à faire des expériences sur les lacs expérimentaux en Ontario, qui se fait couper son financement. Et pour lui, il considère que c'est une perte pour sa... C'est pas tant pour sa carrière, mais pour lui, c'est pour ce en quoi il croit. Qu'il a une grande inquiétude, en fait. Puis on le voit beaucoup dans le documentaire qui a été fait par Radio-Canada sur également, le sujet. Là. Je me souviens plus du nom de ce documentaire-là. On pourrait aller mettre ça sur Facebook. Mais sur on pourrait vous le mettre sur le grain de sable. Ça me rappelle l'ancien proverbe qui dit qu'un trésor caché, finalement, n'a plus vraiment de valeur. T'sais. Exact. C'est tout à fait vrai. Puis, sur un autre point, Katie Gibbs nous rappelle que si les citoyens veulent faire quelque chose, le fait d'aller rencontrer son député pour lui parler des préoccupations que vous avez au sujet de la science et de la démocratie, c'est vraiment la meilleure manière là, de faire des changements. On a souvent tendance, en tant que citoyen, à considérer qu'on n'est peut-être pas assez compétent ou qualifié ou alors important pour aller parler à notre député. Mais donner des arguments en chambre pour faire pression, c'est vraiment la meilleure manière de procéder. Puis si plusieurs citoyens décident de faire ça, évidemment, ça fonctionne. C'est comme ça qu'une démocratie se met en place. Puis c'est comme ça que les députés peuvent déposer des motions, mobiliser leurs énergies sur un sujet. Puis lorsqu'ils voient que le public en fait beaucoup d'intérêt pour ce genre de préoccupation. Mm-hmm. Ça me fait penser à un président américain qui avait répondu à Martin Luther King, je me souviens plus du nom, je préfère ne pas le dire pour ne pas me tromper. Il avait dit « Make me do it ». Ça voulait dire « Oui, je suis d'accord avec vous, le mouvement pour les droits civiques, mm-hmm. sauf que s'il y a personne dans la rue pour me pousser à avoir un rapport de force en chambre, mm-hmm. je peux pas amener de... » On peut rien changer. Quoi que ce soit. Fait que les leviers de pouvoir, c'est ça. Donc, aller rencontrer son député, ça peut avoir plus d'influence qu'on le pense. Tout simplement passer un coup de téléphone. Oui. Ouais. En parlant en public aussi, là. Dans l'opinion publique, ça s'exprime, que ce soit sur les réseaux sociaux ou n'importe où, sur des lignes ouvertes. Mm-hmm. Voilà. C'est sûr qu'on pourrait vous dire, il y a beaucoup, dans les prochaines chroniques qu'on va faire, on va vous parler aussi de sites web qui ont été faits sur les scientifiques fédéraux, sur différents mouvements qu'il y a eu depuis 2008. Il y en a eu quand même beaucoup, mais on n'en a pas nécessairement entendu parler. Mais en attendant, c'est ça, le documentaire de Radio-Canada est vraiment intéressant. On pourra le mettre sur le site. Voilà. Il y avait un participant qui nous a posé une petite question pour terminer notre chronique. Il nous a demandé quelle était la différence entre sciences fondamentales et sciences appliquées. Ça, c'est parce que en fait, il y a eu des coupures ciblées, on va dire, plus sur la science fondamentale que sur la science appliquée. En fait, les sciences fondamentales, c'est les sciences qui visent à savoir pour savoir. Vous savez, comme dans François Pérusse, savoir pour savoir. Ben c'est ça. En fait, le but, c'est de pousser la connaissance plus loin sans nécessairement chercher une application concrète tout de suite. Tandis que les sciences appliquées, c'est des sciences qui ont pour objectif principal d'aller répondre à un besoin précis, là, par exemple en aérospatiale ou en pétrochimie ou des trucs comme ça. Donc, c'est des sciences qui se complètent. En fait, l'une ne va pas sans l'autre. L'une ne va pas sans l'autre, en effet. Puis on remarque que souvent les gens ont des préjugés envers la science fondamentale qui est qui peut être jugé comme inutile. Mais je pense, par exemple, aux travaux du CERN en Suisse, à Genève, qui en fait des travaux sur la physique fondamentale, puis sur les recherches en fait sur les particules comme le boson de Higgs, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias. Ben, cette recherche-là est loin d'être inutile, en fait. Ça nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit, puis mener à de nouvelles découvertes en sciences appliquées. Donc, la science fondamentale et la science appliquée sont indissociables. Ça, c'est clair. Donc, on vous invite, chers auditeurs, à nous écouter en podcast sur le site de CKRL ou encore sur le blog de l'émission à graindesable.wordpress.org ou aller sur notre page Facebook. Grain de sable, c'est moins compliqué et souvent on trouve toute l'info dont on a besoin. Vous pourrez commenter notre chronique ou partager de l'information sur le sujet. Comme on vous dit, on vous invite à nous partager si vous connaissez quelqu'un qui travaille au gouvernement puis qui est prêt à parler, ce serait une mine d'or. Tout à fait. Si vous avez des informations sans partager, c'est vraiment bienvenu, puis si vous voulez en discuter aussi. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour notre troisième chronique sur la science et la démocratie. Nous sommes maintenant à la chronique des activités progressistes à surveiller. Donc, Michael, que nous suggérez-vous comme activité cette semaine? Bien, pour commencer, juste mentionner qu'on a publié 35 événements juste pour la semaine prochaine. Ça, c'est sur le média en ligne réseauforum.org. Donc, on en a publié 35. On s'entend que je vous en nomme 5-6 aujourd'hui, là. Il y a un échantillon. Mm-hmm. Mais avant, on a appris ce matin qu'il y a un événement de Stop Oléoduc qui a été annulé aujourd'hui, qui devait avoir lieu aujourd'hui. En fait, c'est plusieurs mouvements écologistes et la fanfare engagée Tintanar qui allaient participer à la parade du Off Carnaval. Off Carnaval et la revengeuse des duchesses vont comme se jumeler à la parade officielle du Carnaval. Malheureusement, le Carnaval, et semble-t-il le SPVQ, mais ça reste à voir, là, mais on menaçait d'annuler le Off Carnaval si les écologistes participaient. Oh! Assez spécial. C'est quand même un fait qui vaut la peine d'être mentionné, là, parce que oui. Comment ça se fait qu'on... Un petit côté censure. Dans le fond, la manifestation a carrément été annulée parce qu'il y avait des risques d'arrestation massive, finalement. Ben, les groupes écologistes, pour ne pas nuire au mouvement Off Carnaval, qui respecte, il y a une solidarité, se sont dit, on est obligé d'annuler, parce que c'est ça. Donc, le Off Carnaval, revanger ses duchesses, ça va avoir lieu. Mais les écologistes vont devoir s'abstenir, semble-t-il. Donc, c'est un mouvement, c'est de la censure assez flagrante. Donc, c'est un peu l'idée que le carnaval, c'est du pain et des jeux, hein, comme disait mon colocataire ce matin. Donc, on se dit que le carnaval, ça s'adresse pas aux gens qui participent aux débats de société, ni aux écolos. Faut être apolitique. Et hier, je constate que le PQ, hier, a profité de la Saint-Valentin aussi pour affirmer son amour des pétrolières. Oh, Seigneur! Délivrez-nous. OK. Donc, on continue avec d'autres activités. Ça, c'était ma ligne éditoriale. Maintenant, les événements. Donc, dimanche 16 février, demain, l'éducation populaire autonome, une stratégie de changement social. Donc, c'est un atelier qui va expliquer c'est quoi l'éducation populaire autonome, suivi d'une discussion à 13h au bar Coop L'Agité. Mardi 18 février, la présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada, Taina Odette, donne un dîner-conférence à l'invitation de la SEDEC. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Ça coûte 30 $, faut le préciser. C'est à 11h45 à l'hôtel Ambassadeur. Deuxièmement aussi, le mardi, on a une présentation du livre « Les femmes changent la lutte » au cœur du printemps québécois. Donc ça, c'est 18h30 au Café Babylone. Ensuite, toujours le mardi, on a quatre personnes qui ont participé à une campagne contre les radios de la haine, si vous savez de quoi je parle. Et ils vont animer une discussion. Évidemment, c'est un appui à leur défense en cours face aux poursuites là, de je ne me rappelle plus du nom du média, là, mais en tout cas, Radio X et compagnie. Donc ça, c'est à 20h au bar La Corrigane. Donc tout ça, c'est le mardi. Mais par contre, le mercredi 19 février, on a un atelier sur la hausse des loyers. D'ailleurs, je recommande fortement. Oui, c'est la saison, là. Oui, c'est la bonne saison, mais ouais, faudrait que, je pense que tout le monde doit suivre un atelier de genre au moins une fois. Parce qu'il y a un calcul très précis sur comment fonctionne la hausse, qu'est-ce qui est une hausse raisonnable. Je pense que tout le monde a intérêt à savoir ça. Donc ça, c'est à 19h au 301 de Carillon. Ça, c'est dans le quartier Saint-Sauveur, près du centre du Rocher. Centre du Rocher qui est menacé de fermeture. En fait, non, il n'est pas juste menacé, je pense que c'est prévu. Enfin, jeudi 20 février, il y a une formation sur les droits et recours en santé mentale, c'est-à-dire les limites légales quand une personne serait supposément dangereuse pour elle-même ou autrui. Donc, ça peut intéresser beaucoup de personnes quand même. Donc, à 19h, c'est donné par l'organisme Auto-Psy. Auto-Trait-Union-Psy. Donc, tous les détails, oui, les adresses, la description des événements, vous pouvez retrouver tout ça sur réseauforum.org. Pour terminer, rapidement, je rappelle évidemment que samedi prochain, c'est la journée d'études d'attaque, dont le titre est « L'après-crise ou la crise permanente? » C'est une question. Et donc, si vous voulez en apprendre plus là, sur l'influence indue des intérêts financiers sur notre société, allez voir le site d'Attaque Québec. Excellent. Ben, merci beaucoup, Michael. C'est tout le temps qu'il nous restait. C'est ainsi que s'achève notre émission. Donc, merci beaucoup à Pierre Moutarde, à Renaud Blais, Michael Le Sabre et Philippe Camieri. Alors, je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL, ckrl.qc.ca, et sur notre blog, legraindesablequc.wordpress.com, où vous trouverez les archives audio de notre émission. Nous avons aussi une page Facebook, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez taper Le Grain de Sable sur CKRL et on a un compte Twitter, @graindesableqc. Vous pouvez de plus nous joindre par courriel à l'adresse legraindesableqc@commercialyahoo.com. Sur ce, vous disposez donc de plusieurs possibilités pour nous faire part de vos commentaires, suggestions, opinions. Voilà, on veut vous entendre, on veut vous lire et on veut savoir ce que vous pensez. On se retrouve samedi prochain à compter de 13h pour une nouvelle édition du Grain de Sable d'Attaque Québec. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Demeurez avec nous pour l'émission qui suit, Les Geeks contre-attaquent sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts.